Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu veux sortir vendredi? Ah non, vendredi soir, c'est impossible pour moi. Je vais à une soirée salsa. Et ce week-end, je ne suis pas à Marseille, je pars faire du bateau. Alors, jeudi? Oui, jeudi, ça me va. On va où? On peut aller en boîte, au Zénith. En boîte? Oh non. Pourquoi pas un bon film? Ok, on va au ciné si tu veux. On se retrouve jeudi à 6h30 sur le Vieux-Port. On prend un verre dans un bar sympa et on choisit le film. Oui, d'accord. Rendez-vous à 6h30. À jeudi alors. Salut Lucille. Attends, je propose à Hugo et Sonia de venir? Ouais, si tu veux. Ok, à jeudi. Salut Malik.